ma démarche quand je vais les sabrer. J'arrive au casino, je vois Totas. Passer dans le bank sans Adidas. J'ai mis mon Jogo Adidas. J'ai mis mon Jogo Adidas. Je remets gasoline en puissance et toi t'as voulu gérer Gigi Hadid. Au casino j'ai croisé deux tasses. J'ai pas le temps pour faire tes rosaces. Hier, yeah. Remets gasso, j'suis dans la rosa. Pas pour éviter les PC tasses. Je lui donne à cette tasse. Je remets le bain comme Vegeta. Un jour je vais vaincre, un jour j'ai vaincu. C'est vrai que c'est vraisemblable. Mais en fait je fais semblant. Je sais que mes vrais s'emballent. J'suis dans le projet Apollo. Si je soulève ma conscience, tu peux me voir à Bolo. Gigi Apollon. Gogo veut danser le tango. Snitcher les colons. Oh, avec tout ça comme à tout le monde. À cette pierre je lui fais tout. Nina. Je suis dans mon tiers, je me suis dans le cœur, j'ai une fois la fin. Je suis dans les pièces vintage avec mon nom, prime la dynamique. Quand y'a tout le sol, la pénis, je coule comme Titanic. Tout ma calme, on gère la fanbase. Les belles consoles, c'est la base. Quand on le clan, on les baisse. Et le jour de ma mort, n'en fais pas trop. Mais pas jour, t'étais mon pote, alors sur ma vie, je peux pas te voir. C'est aussi simple que ça. Prends pas de pincette. Je les pèse en plat en te regardant droit dans les yeux. Pour sucer comme t'es bon, pour le faire comme t'es nul. Jusqu'à la fin cette nuit-là, j'ai tellement pas les nuits. Je fais en deux skis, je décale. Roule le bar, coup des quatre. Je crois que je vous aime toutes mesdames. Irrécupérable ce qu'elles me disent. Attraper sa chatte, pas besoin de notice. Bouge la tête comme un autiste. S.O. Gris, lion dentiste. Je la galoche, pas bromantise. Soleil plein, je suis en terrasse. Le hapin s'emballe sur un T-Max. Corrière c'est tenace, je ravitaille les losses, lâche pas l'os. Plus d'alcool, je tourne à l'eau. Première fois on allume, deuxième fois on allume. La troisième, t'arrange tête sur le tarot. La bleue est verte comme Haro. Chic le Joe Camaro. Frappe ton crâne comme Pao. Pose pour la dose qui prend paro. La bleue est verte comme Haro. Chic le Joe Camaro. Frappe ton crâne comme Pao. Pose pour la dose qui prend paro. Sincère même dans nos soupirs. Lionzon. Joue le jeu le temps d'un sourire. Joue le jeu le temps d'un sourire. C'est pétasse même pas des souvenirs. C'est pétasse même pas des souvenirs. Même pas. C'est rappeur même pas des souffrirs. C'est rappeur même pas des souffrirs. Même pas. Mon rap c'est y'a de l'argent qu'on soutient. J'ai le qui j'connais le kata. Et ton pétasse c'est la Corée. Et ton pétasse c'est la Corée. Lionzon c'est la Chine et eux c'est la Corée. J'ai le qui j'connais le kata. Et ton pétasse c'est la Corée. Et ton pétasse c'est la Corée. Lions dans la Chine et eux c'est la Corée. Ils sont fades comme la conce de l'autre. Si t'étenais le cahier j'aurais pris grave des notes. J'suis dans le gaz comme l'odeur dans ta hotte. J'vais pas toucher c'est que c'est une dot. Toi tu fais du chiffre. Toi tu fais du chiffre. Monte sur ma queue. Pas bien vivace, j'ai la tête à Vandame. J'suis pas dans la vente par ma peur. J'fais du business comme un feu. J'fais comme un fauve. Mon shit il m'arrache. Quand j'sorti j'arrache. On t'a dit ta race dégage de là. Ils ont à la plage. Ils ont à la pêche. Tu vas vomir. Mes gars partent en couille. Sans vraiment les envier, on a parcouru des villes. Tu vas vomir. Mes gars partent en couille. Sans vraiment les envier, on a parcouru des villes. Casa d'erba nell'albero. Non torno più indietro, l'accendo appena mi sveglio. Pensare che manco mi impegno. Air Max 13, MGB nel frigo, ehi. Scrivo un altro banger mentre fumo un chilo, ehi. Perdi la ragione, dietro la fama. Parli di strada ma sei chiuso in casa. Non ti si prende sul serio, sei pieno di bla bla. Ehi, trasformo la bianca in contatti. La notte fuori coi fantasmi. Meglio che chiedere moneta ai passanti.